foie gras ou poivré. Remettre les compteurs à zéro. Impossible. Pourtant. Déconnecté. À présent. Besoin de poésie à présent. Le désert de l'amour. Alchimie du verbe. Promontoire. Soir historique. Scène. Intérêt. Mouvement. Atmosphérique. Couple jeunesse. Une dévotion. Very genius. Ans à peine. Impression de puissance. Même la guerre. 20 ans, immortel, ville, vagabond. Vagabond, nous entraîne pitoyable frère, un départ, une royauté. Matinée d'ivresse, une raison, des oraisons, au même un beau matin, tendresse. Un départ, Absolu. Un matin d'ivresse. Matinée d'ivresse. Oh mon bien, oh mon beau. Fanfare. À nouveau. Matinée d'ivresse. Nous devrons nous lever à nouveau, mes frères humains, à nouveau. Nous devrons nous lever à nouveau, mes frères humains. Qui après nous vivrez, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, car n'ayez contre nous à nouveau les cœurs avec nous à nouveau. Contre nous, les cœurs endurcis, car si pauvres de nous avez, nous aurons autant de vous merci, car si pauvres de nous avez. De nous à nouveau, car si pauvres de nous avez, vous aurez un nouveau millénaire, les cœurs contre nous endurcis, car si pauvres de nous avez. Que nous avons pas à nouveau contre vous, les cœurs endurcis, non, nous n'avons pas à nouveau. Un nouveau millénaire. Le progrès avec vous. Avez Internet, les jams, vous avez. N'ayez contre nous les cœurs endurcis. Non. pousser. Une raison. Une matinée d'ivresse. Promesse. Démence. Les mêmes. Royauté. Nous sommes sans peur, nous sommes. Nous allons contre le vent. Thank you. contre le vent. Contre vents et marées, nous sommes la horde contre le vent, nous sommes. Irrémédiable brain damage. Irrémédiable brain damage. Ma haine est déjà. C'est le rêve, absorbant les horizons. Essayant de rester de pied sur terre vers l'horizon. Thank you. You're my lover. I want to understand. I want to end it. You're my lover. Rattrapés par la réalité, nous sommes nous sommes à la limite de l'insurrection. Nous sommes à la fracture. Fracture. De la compréhension. Thank you very much.